La galaxie d'Andromède est notre galaxie voisine. Elle possède la particularité, comme notre propre galaxie, de posséder des bras en forme de spirale. On appelle ces galaxies justement des galaxies spirales. Mais Andromède a aussi la particularité de montrer des bras spiraux ressemblant étonnamment à des anneaux. Une équipe d'astrophysiciennes américaines vient de publier une étude montrant quelle pourrait bien être l'origine de ces spirales dans la galaxie d'Andromède. Les bras spiraux d'Andromède seraient apparus lors d'une collision entre Andromède et une petite galaxie naine du voisinage il y a environ 900 millions d'années. Pour en arriver à cette conclusion, nos astrophysiciennes ont construit une simulation numérique de la galaxie d'Andromède, qu'on appelle M31, et des interactions de ces étoiles constituantes lors de collisions avec la galaxie naine M32. Avant d'être collisionnée, Andromède est supposée avoir été une galaxie en forme de disque, sans bras, et donc sans chocolat. Et M32 est supposée abriter un trou noir supermassif. Aujourd'hui, M32 est comme incrusté à l'intérieur de la géante M31, toutes deux situées à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. La collision aurait généré des ondes, comme on peut le visualiser sur la simulation, mais ces ondes ne sont pas conduites par un impact direct, étoile contre étoile ou nuage de gaz contre nuage de gaz, mais par attraction gravitationnelle. Et ce sont ces ondes qui seraient devenues les spirales d'Andromède. Dans leur simulation, Marion Dierix et ses collègues ont fait collisionner M32 dans une zone externe de M31 plutôt que vers son centre, la probabilité d'un tel impact étant beaucoup plus grande. La simulation animée semble se dérouler très vite, mais l'échelle de temps est ici considérable. Le film se déroule sur plus de 2 milliards d'années, hein, des gigailleurs. M32 démarre au bord du halo de matière sombre d'Andromède, puis commence à plonger à travers son disque à une vitesse de 500 km par seconde, 1,2 milliard d'années plus tard, puis prend encore près de 900 millions d'années pour revenir en arrière et parvenir à sa position actuelle, où elle est en train de traverser à nouveau Andromède. La simulation de Dierix et Hall suggère que les bras d'Andromède, que l'on pouvait croire en forme d'anneaux, sont bel et bien des bras spiraux, mais vus comme des anneaux depuis chez nous, avec une très grande inclinaison. Cette étude nous donne également des informations sur la naine M32. Jusqu'à maintenant, les astronomes pensaient que les galaxies naines comme M32 étaient compactes parce que leurs compagnes géantes leur avaient extirpé leur enveloppe de matière noire, de gaz et d'étoiles. Les auteurs montrent que cela ne doit pas être le cas pour M32. La galaxie a dû naître compacte, car sa rencontre avec Andromède ne permet pas, selon le modèle développé, de réduire sa taille et sa masse de gaz à celles qui sont observées. Ces galaxies naines compactes doivent donc être formées par un autre mécanisme. Mais lequel ? Encore une petite trouvaille qui ouvre une nouvelle question. Enfin, les auteurs trouvent, par leur simulation, que M32 serait un peu plus proche de nous que ce que l'on pensait généralement. Une prédiction qui est donc testable avec de prochaines observations et qui pourra permettre de valider ou non ces travaux numériques. Cet article est disponible en préprint sur le serveur Archive, dont je mets l'adresse ci-dessous, et il est à paraître dans Astrophysical Journal Letters sous le titre Signatures of M31-M32 Galactic Collision par Marion Dierix et al.